So yesterday I was speaking about ways to develop the attitude of care and respect for the practice so that we can develop concentration quickly, and based on that concentration develop knowledge. So in speaking about the practice, I'd like to speak about a few more things, some things I didn't have a chance to speak about last night. In the practice, we're asked to observe things as they is, as they are. Sorry, observe what is there as it is, which is based on this Pali Bhutan Bhutato Pasati, and it's also in accordance with what is said in the Mahasatipatthana Sutta, Kaye Kayanu Pasi Viharati. One needs to observe the matter, the body, in the body as it is. We need to observe matter as matter, kaya as kaya. So in that regard, I would like to say a little bit about the use of labels when we practice. Hier, on a vu ensemble les moyens de développer une attitude attentive et respectueuse par rapport à la pratique, et ceci afin de développer la concentration rapidement. Mais il y a certaines choses que je n'ai pas eu l'occasion de dire hier et que j'aimerais envisager maintenant. Donc, il est demandé dans la pratique d'observer les choses telles qu'elles sont, en fonction de cette phrase Bhutan, Bhutate, Pasati. Mais c'est aussi ce qu'on retrouve dans le Mahasatipatthana quand on dit Kaye, Kaya, Nupasi, observer le corps dans le corps, c'est-à-dire voir les choses en fait telles qu'elles sont. À ce propos, donc, j'aimerais aujourd'hui parler d'abord des notes mentales, des labels, lorsqu'on note les choses qu'on observe. Donc, par exemple, quand on observe l'objet primaire, on observe le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, et il faut faire une note mentale, rising, falling en anglais. Dans vos langues, ce sera autre chose. De la même façon, lorsqu'on voit quelque chose, on note voir, lorsqu'on entend, on note entendre. Dans la réalité, il n'y a rien de tel que l'abaissement, le soulèvement ou l'abaissement de l'abdomen. Et on essaye de voir la réalité ultime. Et dans la réalité ultime, ce ne sont jamais que des tensions, des mouvements, etc. Alors pourquoi est-ce qu'il faut faire une note mentale? À quoi ça sert? Puisque la véritable nature, c'est la chaleur, la dureté, etc. Dans les premiers stages de la pratique, c'est ainsi qu'on observe la véritable nature des choses, c'est-à-dire à travers des concepts. On essaye de saisir la réalité à travers les concepts, parce qu'au début de la pratique, on ne voit pas directement la réalité ultime. On ne la voit qu'à travers les concepts. Et il y a trois manières dont on a parlé hier. On peut voir, par exemple, la forme. Par exemple, lorsqu'on voit la jambe, lorsqu'on fait la méditation en marche, on visualise la jambe. C'est une forme, donc c'est un concept. Même si c'est un concept, c'est encore voir, c'est encore savoir, d'une certaine manière, être en contact avec la réalité ultime aussi, même à ce niveau-là. Donc ça, c'est une façon. La deuxième façon, c'est la manière ou la position. Par exemple, penché, étendu pour le bras, alors, ou bien en mouvement, ou bien placé, ou bien être assis quand on pratique la méditation assise, on sait qu'on est assis, ça c'est la manière. C'est plus la forme, c'est la manière. C'est aussi un concept en fait, mais c'est déjà un autre niveau peut-être. Et à travers ce concept-là aussi, on essaie d'être en contact avec la réalité ultime. Et donc, ce que Sayali dit, c'est qu'au premier stage de la pratique, on a besoin de ces concepts parce qu'on ne peut pas voir directement la réalité ultime. Le fait de noter a deux avantages. D'abord, ça nous permet de ne pas confondre l'objet, d'avoir l'objet clairement à l'esprit, l'objet d'observation. Et deuxièmement, ça donne de l'énergie. Mais lorsque la pratique se développe, viriya, sati et samadhi se développent, c'est-à-dire l'effort, l'attention et la concentration. Et avec le développement de ces trois facteurs, la connaissance, panya, la sagesse aussi se développe et l'esprit devient de plus en plus fort, graduellement. À ce moment-là, l'esprit va au-delà du concept et il est fermement établi sur la nature ultime. Il dépasse le niveau conceptuel et s'établit fermement sur la nature ultime. On peut dire qu'il n'y a pas de concept, il n'y a plus de concept en fait à ce moment-là, même si c'est pas tout à fait vrai, mais du moins la forme et la manière n'existent plus. Ces concepts-là ne se présentent plus à l'esprit. Et à ce stade-là, le fait de noter les concepts peut devenir une distraction pour l'esprit. Donc, quand on arrive à ce stade avancé, ça peut toujours être utile d'utiliser des concepts comme dureté, mouvement, etc. Mais tant qu'on n'a pas atteint ce stade, tant qu'on n'a pas une concentration et une connaissance ou une sagesse très développée, la note mentale est nécessaire. Au stade où beaucoup d'objets se présentent à l'esprit, de nombreux objets se présentent à l'esprit tellement en fait qu'on ne parvient plus à les noter tous, on peut adopter deux attitudes différentes. On a le choix. Soit on se contente de noter ce qu'on peut en laissant passer le reste. Par exemple, on entend un son, on note juste ce son-là et tous les autres objets qui se présentent à l'esprit, on ne les note pas. Soit on se contente seulement d'observer sans noter. Donc voilà pour la note mentale, mais Sayali aimerait aussi revenir sur ce qu'on a dit hier à propos de la pratique attentive et les deux analogies qu'on avait données, celle du pont pour un seul pied et celle du bol rempli d'huile jusqu'au bord. Et à ce sujet, il y a beaucoup de suggestions dans les textes sur la façon dont le méditant doit envisager ce qu'il voit, ce qu'il touche, ce qu'il sent, ce qu'il entend, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque la vision se produit, on doit placer son attention sur l'œil et on doit observer le processus qui est en cours. Et qu'est-ce que c'est ce processus? C'est la rencontre entre un objet visible et la base de l'œil. Et aussi la lumière doit être présente pour que ça se produise. Lorsque ces trois éléments sont présents, il y a une étincelle qui se produit et la conscience visuelle apparaît. Après la conscience visuelle, il y a aussi la sensation, agréable, désagréable ou neutre, et le contact, c'est-à-dire l'objet et l'esprit qui se rencontrent. Voilà, ça ce sont les éléments réels qui sont impliqués dans l'action de voir. Et le méditant doit juste noter, il ne doit pas réagir, il ne doit pas commencer à penser, tiens, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, etc. Alors certains yogis qui pratiquent de manière prudente et respectueuse, lorsqu'il y a par exemple un objet visuel qui apparaît, ils sont capables de voir cet objet morceau par morceau, comme dans une série, successivement, qui apparaissent successivement, un morceau d'objet visuel suivi d'un autre morceau d'objet visuel. Ils peuvent appréhender le phénomène de vision de manière plus profonde en observant le processus. Donc il est très bon de pratiquer de cette façon, essayant d'observer le processus. Il en va de même pour le son. Le Bouddha a aussi dit, bien qu'on ait des oreilles, on devrait se comporter comme si on était sourd. Donc c'est la même chose. Lorsque un son frappe l'oreille, la conscience auditive apparaît. Il y a d'abord donc le contact et puis la sensation qui peut être agréable, désagréable ou neutre. Et lorsque le son se produit, le méditant ne doit pas se tourner et regarder de quoi il s'agit. Non, il doit rester au niveau de l'oreille et il ne doit pas arrêter son travail d'observation. Autrement, ben, il arrête la pratique, en fait. Alors, la troisième instruction que le Bouddha avait donnée aux Devas, c'est: bien que nous ayons une vaste connaissance, nous devons agir comme si nous étions des sots. Alors, il y a des gens qui ont appris énormément de choses, qui ont développé leur connaissance à un très haut degré, ils ont des diplômes, etc. Ou alors ils ont une très grande expérience de travail, ils ont des compétences qu'ils maîtrisent presque à la perfection. Mais si on veut vraiment connaître le corps et l'esprit, on doit se comporter comme si on était un débutant complet. Et on doit aussi suivre les directions à la lettre. Et c'est quelque chose qui peut nous aider énormément. Mais pour ça, il faut renoncer à toute la connaissance accumulée et les compétences aussi. Quatrième instruction donnée par le Bouddha, bien que nous soyons physiquement forts et en bonne santé, nous devrions nous comporter comme si nous étions faibles. Alors on peut penser que c'est très facile de se lever, de s'asseoir quand on est en bonne santé, mais malgré ça, on devrait le faire doucement, lentement, surtout lorsqu'on change de posture. On doit se comporter comme si on était invalide. Les gens qui ont eu des problèmes de dos peuvent comprendre ça plus facilement. Si on bouge rapidement quand on a mal au dos, on risque de se faire mal. Donc il faudrait se comporter comme si on pouvait se faire mal, en fait. La dernière instruction que le Bouddha a donnée, c'est: lorsque c'est pour notre propre bénéfice, nous devrions nous comporter comme un cadavre. Lorsque les méditants ont accumulé un petit peu d'attention, ils vont ressentir directement des douleurs dans le corps. À ce moment-là, s'ils changent de posture, ils vont perdre leur concentration, ils ne vont pas réussir à développer leur concentration. Il faut se penser soi-même comme un cadavre ne réagit à rien. Alors lorsqu'on observe la douleur, celle-ci a tendance à augmenter, mais si on bouge à ce moment-là, on ne connaîtra pas la douleur, on va perdre sa concentration. Par contre, si on parvient à observer la douleur patiemment, comme certains yogis le savent déjà, il n'y a plus que la douleur et l'esprit qui connaît la douleur. À ce moment-là, le yogi est dans la réalité ultime. Alors donc, parfois les yogis bougent lorsqu'ils ressentent un petit peu de douleur. À ce moment-là, ils ne pourront pas développer leur concentration et leur connaissance. Donc toutes ces instructions qu'on vient de voir, le Bouddha les a données pour nous aider à persévérer dans la pratique. Donc agir comme si nous étions aveugles, bien que nous ayons des yeux, comme si nous étions sourds, bien que nous ayons des oreilles, comme si nous étions des sots, bien que nous soyons parfois très très intelligents, comme des invalides, même si on est en bonne santé, et finalement comme un cadavre lorsqu'on fait face à des difficultés, à des douleurs, etc. Ceci n'est pas dit pour que les gens pensent qu'ils doivent mourir, mais seulement pour les aider dans la pratique. Ce n'est que si on parvient à calmer le corps qu'on parviendra à calmer l'esprit. Et ce qui aide pour arriver à ça, c'est de ne faire qu'une seule chose à la fois. Il y avait un yogi l'autre jour qui buvait une tasse de thé en même temps qu'elle marchait et elle ne le savait pas, ça y allait, n'a pas eu l'occasion de lui dire. De la même façon, il faut essayer de ne pas refaire ses cheveux lorsqu'on est en train de marcher, par exemple, ou alors lorsqu'on arrive près d'une porte, il faudrait, pour bien faire, d'abord s'arrêter, être conscient de la position debout, et puis ouvrir la porte. Tout ça va calmer le corps. Au début de la pratique, lorsque le corps est calmé un petit peu, le yogi va ressentir de l'inconfort, et cet inconfort va rendre son esprit perturbé. Et si à la fois le corps et l'esprit sont en difficulté, la pratique devient difficile. dans cette situation où à la fois le corps et l'esprit sont dans l'inconfort, le yogi ne devrait pas observer le corps et l'esprit dans l'intention de faire disparaître cet inconfort. Le but de la pratique, c'est de savoir, de connaître. Donc, il faut noter cet inconfort pour lui-même, il faut noter les phénomènes pour eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Vipassana, c'est le travail d'observation des choses telles qu'elles sont. Quoi que ce soit qui est apparu va disparaître. Donc en fait, on ne doit rien faire pour essayer de faire disparaître les choses, ça va de toute façon se produire par soi-même. Si on ne peut vraiment plus supporter d'observer la douleur, on peut changer de posture, donc ce n'est pas qu'il fallait tenir à tout prix. Donc on peut décider de battre en retraite, mais à ce moment-là, il faut le faire avec vraiment pleine attention. So in the case where someone you can't bear watching it anymore, how should I say? It's not that you can never change position, but you have to, if you decide to retreat from the battle of watching pain, you must make your change in posture one with total mindfulness.